السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله الذي من علينا ويسر لنا مثل هذه المجالس، مجالس الذكر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى الجواد الكريم أن يتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala après l'avoir loué et proclamé son unicité. Nous le remercions à nouveau, celui qui nous a facilité cette assise, celui qui nous a comblé de par les assises de science, dans lesquelles il y a la réforme des cœurs puis des corps, dans lesquels il y a l'augmentation de la foi, dans lesquels il y a la sérénité et la quiétude. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter, de nous ajouter de ses bienfaits ainsi que de ses miséricordes. Mawdou'u ad-dars, quant au sujet de notre cours pour la reprise, رسالة في ذم قسوة القلب، رسالة في ذم قسوة القلب وأسبابها وما تزول به لابن رجب رحمه الله تعالى. Le sujet que nous allons étudier ensemble إن شاء الله تعالى est un livre du grand savant Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, qui s'intitule Le blâme à la dureté du cœur. Les causes de ceci et comment la faire disparaître. Donc c'est un écrit qui est un blâme à la dureté du cœur, une critique. On montre ici dans ce livre la gravité d'avoir un cœur dur, un cœur insensible au rappel, au Coran, à la Sunna, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi dhammi qaswati al-qalb. Ici on nous montre la gravité de la dureté du cœur. وَأَسْبَابِهَا ainsi que ses causes. Quelles sont les causes qui amènent à la dureté du cœur? وَمَا تَزُولُ بِهِ et quelles sont les causes qui font disparaître la dureté du cœur? Et comment se prémunir d'avoir cette grave maladie qui est appelée قَسْوَةُ الْقَلْبِ, la dureté du cœur. Quant à l'auteur, c'est Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, wa huwa al-hafiz Abdul Rahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Sulami al-Dimashqi thumma al-Baghdadi yukanna bi Abi al-Faraj wa yu'rafu بابن رجب رحمه الله تعالى. Quelques mots concernant l'auteur du livre, Rahimahullah Ta'ala. C'est le grand savant Abdurrahman, fils de Ahmed, fils de Rajab. Sa kunya est Abu al-Faraj, mais il est plus connu sous l'appellation d'Ibn Rajab. Ibn Rajab. Wulida bi Baghdad, il est né à Bagdad. سنة ستين وثلاثين وسبعمائة en l'an 736 الخامس عشر من ربيع الأول le 15e jour du mois de ربيع الأول وتوفي سنة خمس وتسعين وسبعمائة في دمشق il est décédé en l'an 775 à Dimashq, il avait alors 59 ans. Donc il est décédé jeune, si on peut dire ainsi. Il est décédé en 795 سنة 95 و700 donc 736 à 795 et parmi ses enseignants les plus connus il y a Muhammad ibn Abi Bakr qui est plus connu sous quelle appellation نعم ابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية parmi les enseignants d'Ibn Rajab il y a ابن قيم الجوزية نعم وهذا العالم الكبير الحافظ ابن رجب له اهتمام كبير بالحديث والعلل. Et ce grand savant était un grand spécialiste dans le domaine du hadith. Il a même la meilleure explication, comme le disent les savants, de quel livre connu. Na'am. Al-Arba'in Al-Nawawiyya. Il a la meilleure explication du livre. Les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala est parmi ses livres les plus connus chez les étudiants en sciences. Al-Ilal. Na'am. Sharhu Ilal al-Tirmidhi. Il a aussi l'explication de Sahih al-Bukhari. Na'am. Wa ma'a dhalika ihtamma bil-raqa'iq. Et malgré tout cela, il a accordé la plus grande importance à tout ce qui amène la douceur du cœur. Sa réforme, sa vie et sa bonne santé. Comme pour attirer l'attention de l'étudiant, celui qui recherche la science, comme pour lui dire attention, tu étudies, tu mémorises, mais n'oublie pas le plus important, prends soin de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Regarde si ton cœur n'est pas malade. Et s'il l'est, quelles en sont les causes? Et s'il l'est, comment le soigner? Donc Ibn Rajab rahimahullah ta'ala attire notre attention sur ce point très important. Que comprend ce livre d'Ibn Rajab? C'est très court. Cette risala est très courte. Sur quelques pages. Mawdu'u risala. Voyons maintenant que comporte ce livre. Hawal kitab thalathata umur. Le livre se résume en trois points. An-nuqtatu al-ula fi dhammi qaswati al-qalb wa adillatu dhalik. Le premier point, c'est l'épreuve du Coran et de la Sunna quant à la gravité de la dureté du cœur. النقطة الثانية جزاك الله خير أسبابها أي أسباب قسوة القلب. Le deuxième point, les causes qui amènent à avoir un cœur dur. والنقطة الثالثة أسباب إزالة قسوة القلب ودفعها. Le troisième point, les causes qui dissipent la dureté du cœur et comment repousser cela. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, est connu à la manière des gens de Ahl Sunnah dans ses écrits. C'est qu'il cite pour argumenter ce qu'il avance des versets du Coran, puis des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis des paroles des pieux prédécesseurs, as-sahaba wa tabi'un wa man tabi'ahum bi ihsan, c'est-à-dire les compagnons ceux qui les ont suivis avec excellence. Et il ajoute souvent quelques vers de poésie, comme on le verra ici, inshallah ta'ala. Et avant d'entrer dans la lecture des paroles d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, une autre introduction, ahammiyatu, يعني بيان أهمية العناية بإصلاح القلوب. Quelques points qui nous montrent l'importance de prendre soin de nos cœurs, de prendre soin de nos cœurs et de la réforme du cœur. Le premier point qui nous montre l'importance de ce sujet, القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده. Le premier point, c'est que le cœur a la place du roi parmi les membres. Et les membres sont-elles des soldats qui obéissent au roi. القلب ملك الأعضاء. Le cœur est le maître des membres. كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Et parmi les hadiths les plus clairs qui nous montrent cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apportée par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, dans le hadith de Nu'man ibn Bashir. À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a certes dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, s'il est bon, tout le reste du corps le sera. Par contre, s'il est mauvais et corrompu, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. C'est quoi? C'est le cœur. Donc si le cœur est bon, si le cœur est purifié, si le cœur est sain, cela affectera l'ensemble du corps, l'ensemble des membres. Naam. Et dans le cas contraire, si le cœur est mauvais, si le cœur est perverti, si le cœur est malade, cela se répercutera sur l'ensemble des membres du corps. Et la personne tombera donc malade. Elle tombera malade à l'intérieur et à l'extérieur. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque matin, les membres s'adressent... Naam, ce hadith je le laisserai pour un autre passage. Deuxièmement, el qalb sari'u taqallub. Deuxièmement, le cœur vire très rapidement de cap. Le cœur peut se retourner très facilement. Naam. Et parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait très souvent. حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كما ذكر ابن ماجه رحمه الله تعالى أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. Au point où Aïcha radiallahu anha, notre mère, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait le plus souvent était ô toi qui dirige les cœurs, ô toi qui tourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ô toi qui dirige les cœurs, raffermis mon cœur sur ton obéissance. Hadith Aïcha. Apporté par Ibn Majah, rahimahullah. Wa inda Muslim, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna quluba bani Adam bayna usbu'ayn min asabi'i ar-Rahman ka qalbin wahid. Ka qalbin wahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme a rapporté l'imam Muslim, certes les cœurs des enfants de Adam sont entre deux doigts de la main du tout miséricordieux comme un seul et même cœur. Les cœurs des fils de Adam sont entre deux doigts de la main du tout miséricordieux comme un seul et même cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala les dirige comme il le veut. Na'am. Insha'a aqamaha wa insha'a azaga. S'il le veut, il les maintient. C'est-à-dire droit. Et s'il le veut, il les égare. Ou yusrifuha haythu sha'a. La fin du hadith, c'est plutôt yusrifuha haythu sha'a. Il les dirige où il le veut. Na'am. Le troisième point, un point très important. Wal matloub min talib al-ilm annahu idha hadara ad-dars, na'am, ya'ti bima yatamakkan bihi sayd. Na'am. Ce qui est demandé à l'étudiant, c'est que lorsqu'il vient à la mosquée pour assister au cours, Na'am. Alors qu'il est sorti de chez lui pour aller à la chasse, c'est qu'il vienne avec de quoi chasser. Na'am. Et l'ilm, il se chasse avec al-sidq ma'allahi azza wa jal, avec an-niyya saliha, avec la véracité avec Allah azza wa jal, être véridique dans la recherche de la science, avec une intention sincère, mais aussi avec de quoi écrire. Na'am. Aussi avec ta plume et ta feuille. Sauf si tu as la même mémoire que l'imam Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Na'am. Qui lorsqu'il entendait une chose, la mémorisait immédiatement. Ou la mémoire d'Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, qui pour mémoriser des motos, on lui lisait une fois, et si c'était un peu long, trois fois. Alors qu'il est aveugle rahimahullahu ta'ala. Donc il nous faut noter la science. Lorsque tu viens dans une assise de science, tu dois prendre ton cahier, tu dois prendre ton stylo. Na'am, barakallahu fikum. Amma le fait de venir t'asseoir et juste d'écouter, tu ne pourras pas repartir avec les fruits que tu recherchais. Barakallahu fikum. Donc, le troisième point. Uktubu, hafidhakumullahu ta'ala, al-qalbu mahallu nadhari ar-Rahman. Nadhari rabbil alamin, tabaraka wa ta'ala. Le cœur est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala regarde et observe. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit Certes, Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos corps, mais il regarde plutôt vos cœurs et vos actions. Vos cœurs et vos actions, rawahu muslim, c'est-à-dire que la place que tu as auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la place que tu auras ne se fait pas chez Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ta couleur, en fonction de ta beauté, en fonction de ta taille et ainsi de suite. C'est pas avec cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge les gens et leur accorde une place auprès de lui. Mais il regarde plutôt qulubukum. Il regarde quoi? Vos cœurs. Ta sincérité, ta véracité, ton amour, ta crainte, ton espoir, les actions du cœur, et ainsi de suite. Et est-ce que ce cœur est purifié de toute haine, de toute jalousie, et de toute envie, et de toute dureté et des maladies du cœur? Il regarde aussi vos actions. Naam. Il regarde aussi vos actions, ce que tu fais. Naam. Ce que tu fais et ce qu'il y a dans ton cœur. Quant à ce sur quoi tu ne peux pas avoir d'impact, comme la taille, naam, comme la couleur et ainsi de suite. C'est pas dans cela qu'Allah Azza wa Jal va te juger et t'accorder une place ou non auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Après avoir su que ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde étaient le cœur, ne vas-tu pas accorder la plus grande importance à ce cœur que tu portes dans ta poitrine? Ne vas-tu pas prendre soin de ce cœur? Ne vas-tu pas fournir tous les efforts possibles pour savoir comment avoir un cœur propre, comment purifier ce cœur de ses maladies, alors que tu as su à travers ce hadith qu'Allah Azza wa Jal observait ton cœur. Lorsque tu sors de chez toi, est-ce que tu peux sortir de chez toi avec des vêtements sales? Ou non? Est-ce que tu peux sortir avec une apparence qui te vaudrait la honte auprès de tes camarades? L'enfant, dès son plus jeune âge, fait attention à son apparence. Il est éduqué sur cela. Pourquoi? Car lorsqu'il sort, le regard des gens va se porter sur quoi? Hein? Son apparence. Sahih? Alors il fait attention à son apparence. Ben, sache que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala se porte sur ton cœur. N'allons-nous pas faire attention à ce cœur? N'allons-nous pas purifier ce cœur de ses maladies et de ce qui le salit? Et pour ce faire, il nous faut étudier. Il nous faut savoir quelles sont les causes qui salissent le cœur, les causes de la dureté du cœur, et aussi quelles sont les causes qui vont nous permettre d'avoir un cœur propre, un cœur pur. D'où l'importance d'étudier ce livre. Le point suivant, ou plutôt un autre texte qui appuie ce qui a été cité par les savants. Le texte de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Qala radiyallahu anhu: Inna Allah nazara fi qulubi al-ibad faraa anna azka qulubi al-ibad qalb Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fastafahu nabiyyan wabta'athahu birisalatihi فاختاره لنفسه واصطفاه نبيا وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فرأى أن أزكى قلوب العباد قلوب الصحابة نعم فجعلهم مزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, ce grand savant du Coran, ce grand savant parmi الصحابة, nous dit: certes Allah a regardé dans le cœur de ses serviteurs. Et juste avant dans le hadith, وَلَكِنْ يَنْظُرُوا إِلَى قُلُوبِكُمْ. Encore ici, on voit que Allah Azza wa Jal, le regard d'Allah se porte sur le cœur des serviteurs. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, certes, Allah a regardé dans le cœur de ses serviteurs. Et il a vu que le cœur le plus pur, le meilleur des cœurs, était le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a donc élu et choisi en tant que prophète et messager pour lui. Et il l'a envoyé avec son message. Il l'a envoyé aux gens en tant que prophète et messager. Puis il a regardé dans le cœur de ses serviteurs et a vu que les cœurs les plus purs après le sien, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était le cœur des compagnons. Il les a donc choisis et il les a mis en tant que ministres pour son prophète. Il les a donc mis en tant que ministres pour son prophète. Ils vont aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le soutenir, na'am, et transmettre son message. Jusqu'à la fin du athar d'Ibn Saoud radiallahu anhu, qu'a cité l'imam Ahmed et At-Tayalisi rahmatullahi alayhima. Un autre point, al-qalbu mahal wa bi aslu al-khayr wa shar. Le cœur, c'est la base, na'am, qui pousse au bien ou au mal. Au bien ou au mal. Certains, pour minimiser les fautes des gens, ou pour trouver des excuses, ils disent, oui, mais ils ont grandi dans un milieu difficile. Na'am. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Mais avant tout ça, al-qalb. Avant tout ça, c'est le cœur, la cause, le contenu du cœur. Est-ce qu'il est habité par le bien ou par le mal? C'est ce qui va faire que la personne va pencher plutôt vers le bien ou plutôt vers le mal. قال الله سبحانه وتعالى إنها لا تعمل أبصار. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction, que ça n'est pas le regard des gens qui devient aveugle. Ça n'est pas la vue des gens qui devient aveugle, ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Mais ce sont plutôt les cœurs qui deviennent aveugles, les cœurs qui sont dans les poitrines. Il se peut qu'une personne soit clairvoyante et n'ait aucunement besoin de porter des lunettes. Naam, malgré cela, elle est plus aveugle que quelqu'un qui est né aveugle. Malgré cela, elle est plus aveugle que quelqu'un qui est né aveugle. Elle a la vue, mais elle n'en a pas tiré profit. Et c'est pour ça que Yawm al-Qiyama, on leur dira à ceux qui étaient dans le mal, ou plutôt na'am, on va les blâmer à travers leur vue, leur cœur et leurs membres, pour dire qu'ils n'avaient pas cela. Mais en réalité, ils voyaient. En réalité, ils entendaient. Mais du fait qu'ils n'ont pas utilisé cela à bon escient, du fait qu'ils n'ont pas utilisé cela dans ce qui leur était profitable, na'am, on va leur dire qu'ils n'avaient pas, ils ne voyaient pas, ils n'entendaient pas. Et ils vont être punis par cela. Yawm al-Qiyam. Na'am, par la cécité, par la surdité et par d'autres sortes de châtiments. Iyadan billah. Allah nous dit également, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Dans surat al-Hujurat, selon la traduction, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. La base du bien, son endroit, c'est où? C'est le qalb. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Mais Allah vous avait plutôt aimé la foi et l'a embelli dans vos cœurs. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversion. Et l'عصيان, vous regarderez dans la traduction. Donc, le cœur est la base qui fait pencher le serviteur vers le bien ou vers le mal. Tout cela nous pousse à quoi, chers frères? Nous pousse à comprendre l'importance du cœur. Et qu'il nous faut accorder de l'importance à l'étude de ce par quoi nous allons pouvoir réformer nos cœurs. Car avec la réforme des cœurs, comme vous l'avez compris, il y aura la réforme des corps. Ajoutez à ces points, « Anna أن الله سبحانه وتعالى يحب قلوب المؤمنين وكلا بحسبه. Ajoutez à cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le cœur des serviteurs croyants. Et plus ce cœur est doux et pur, plus il est aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Lisa, قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى إن لله آنية من أهل الأرض. Écoutez ce hadith magnifique. إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, Allah a des récipients parmi les gens de la terre, parmi les gens qui sont sur terre. Allah a des récipients. Et les récipients de votre Seigneur sont les cœurs de ses serviteurs pieux. Sont les cœurs de ses serviteurs pieux. Et ceux qu'il aime le plus parmi les cœurs de ses serviteurs pieux, ceux qui sont le plus aimés auprès de lui, sont les plus doux et les plus sensibles. Sont les cœurs les plus doux et les plus sensibles. Donc plus ton cœur est pur et doux, plus il est aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant qui entend ces textes, qui espère la rencontre d'avec Allah, qui espère une grande place chez Allah tabaraka wa ta'ala dans ce bas monde et dans l'au-delà, quand il entend ces textes, il s'interroge sur son propre cœur. Il s'interroge sur son propre cœur. Et il fait sa propre analyse. Il cherche dans son cœur. Et il se pose cette question: est-ce que mon cœur est sain ou est-ce que mon cœur est malade? Est-ce que mon cœur est sain ou est-ce que mon cœur est malade? Ajoutez à cela أن تفاضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لا بالصورة فقط. La différence de degré et de hasanat lors de la mise en pratique des bonnes actions chez Allah ne se fait pas que selon l'apparence, c'est-à-dire l'image de l'action, mais elle se fait plutôt par le contenu des cœurs au moment de la mise en pratique de l'action. Un exemple pour illustrer cela et éclaircir ce point. Nous avons pour la plupart d'entre nous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son assistance, jeûné le mois passé, le mois de Ramadan. Dans le même foyer, tu trouves que la mère jeûne, le père jeûne, le fils jeûne, la fille jeûne. Naam. Est-ce que tous les habitants du foyer auront exactement la même récompense? Non. Pourtant, ils ont tous délaissé les mêmes choses. Pourtant, ils ont tous délaissé les mêmes choses. Mais il se peut que tel homme a délaissé ces choses-là car il a eu honte de manger devant sa famille. Il se peut que telle autre personne a délaissé le jeûne par habitude parce que depuis tout petit, on lui dit qu'il faut jeûner. Alors que le troisième a jeûné pour se rapprocher d'Allah. Pour se rapprocher d'Allah, pour se soumettre à Allah. Pour obtenir le paradis d'Allah et son agrément, le pardon pour ses péchés. Pensez-vous qu'Allah Azza wa Jal va tous les rétribuer de la même façon? Dans la prière, tu trouves deux personnes qui sont dans le même rang, derrière le même imam, dans la même mosquée. L'un d'entre eux sort de cette prière lavé de tout péché. Le deuxième sort de cette prière, on ne lui a inscrit que un dixième de sa prière. Comme dans le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon la traduction, l'homme prie, na'am, on lui accorde de cette prière que ma'adha, la moitié, ou un tiers, ou un quart, ou un cinquième, ou un sixième, ou ainsi de suite. Ça, c'est selon l'état du cœur. Pourtant, nous faisons les mêmes actions. C'est selon l'état du cœur, selon le khushu', selon la présence du cœur, selon sa soumission, l'amour, la crainte, l'espoir, l'humiliation du cœur, le rabaissement. Na'am. Selon ça, tu auras ta place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez par exemple le hadith al-bitaqa. Prenez par exemple le hadith de l'homme qui arrivera yom al-qiyam, à qui on va déployer 99 feuillets. Vous le connaissez tous ce hadith. Le jour de la résurrection, un homme va venir et on va lui déployer 99 feuillets. Kullu sujillin madd al-basar. Chacun de ces feuillets couvrira l'horizon. Tout ça rempli de péchés. Il y en a 99. 99 feuillets. Un seul de ces feuillets couvre l'horizon. Non. On va lui faire reconnaître tous ses péchés. Puis on va lui dire, est-ce que tu rejettes une chose de ce qui est inscrit ? Il dira non, ô mon Seigneur. On lui dira, est-ce que les scribes le t'ont opprimé ? Ceux qui ont inscrit cela, les anges. Il dira non, ô mon Seigneur. Puis on lui dira, ah ouais, on lui dira, ah ouais, laka hasana. Donc là, il va être jugé. On va peser les bonnes et les mauvaises actions. Non. On va donc lui dire, est-ce que tu as une bonne action ? Est-ce que tu as une bonne action ? Il dira non. Il va avoir peur, il va dire non. On va lui dire, mais si, tu as une action auprès de nous, une bonne action. Et on va sortir une carte sur laquelle sera écrit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasoul » J'atteste et je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Et que Muhammad est son serviteur et message. On lui dira, apporte ce que tu as pesé. Et il dira, mais que pourrait faire cette carte devant ces 99 feuillets ? On lui dira, tu ne seras pas opprimé. Apporte ce que tu as pesé. Les 99 feuillets sont un plateau de la balance. Cette carte où il y a Tawhid ou Al-Mutaba'a sur un autre plateau. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la bénédiction du Tawhid et du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous dit فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. Le plateau où il y avait la carte a été alourdi et les feuillets ont volé en éclats ou bien ont voltigé. Naam. Donc cette carte a été plus lourde que tout cela. Allah Azza wa Jal va le sauver yom al-qiyama devant toutes les créatures. Une question que je vous adresse. Est-ce qu'il y a un musulman yom al-qiyama qui va venir sans cette carte ? Sans cette attestation. Est-ce qu'il y a un musulman qui va arriver yom al-qiyama sans esh-shahada ? C'est possible ou pas ? Oui ou non ? Oui ou non ? Non ! Al-muslim, c'est celui qui a prononcé l'attestation de foi. Na'am. Puis, qui est venu avec ce qui découle de cette parole et qui n'a pas fait ce qui contredit cette parole. Chacun à son échelle. En perfection et en imperfection. Mais al-muslim ne peut être dépouillé de, au minimum, cette parole. Mais est-ce que tout musulman qui arrivera yom al-qiyama, cette parole va suffire à purifier tous ses péchés et éviter l'enfer ? Oui ou non ? Non. Il y a des musulmans qui vont rentrer en enfer à cause de leurs péchés. Puis ils vont sortir par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres causes qu'Allah azza wa jal aura décrétées. Quelle est la différence entre l'homme à la carte et les autres ? Hein ? Al-ikhlas ? Na'am ? La perfection ? Na'am ? Al-sidq, la véracité ? Et tout ça, ça revient à quoi ? L'état du cœur, jazakallahu khayra. L'état du cœur. Cet homme-là, lorsqu'il a prononcé Ash-Shahadatan, Ash-Shahadatay, son cœur était dans un état tel qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé cette grande récompense. Les gens ne sont pas égaux lorsqu'ils prononcent cette parole. Les sahaba, lorsqu'ils ont prononcé Shahadat al-Haq, comment ils se sont comportés après? Hein? Ils ont aimé le tawhid plus que tout. Ils ont aimé Allah Azza wa Jal plus que tout. Ils se sont soumis à lui. Ils l'ont aimé d'un amour complet, parfait. Ils ont peur de lui plus que tout. Ils ont espéré auprès de lui, auprès de nul autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Ils ont tout dépensé pour Allah tabaraka wa ta'ala, de par l'état du cœur qu'ils ont eu au moment où ils sont entrés dans l'islam. Donc, selon l'état du cœur au moment de faire l'action, tu as ou pas les hauts degrés du paradis. Et c'est pour cela que certains savants disaient, il se peut qu'une pièce donnée en sadaqa soit meilleure que 100 pièces données en sadaqa. Naam. C'est-à-dire l'état du cœur de la personne au moment où il fait sadaqa. Une personne peut faire sadaqa par ostentation. Et l'autre, il fait sadaqa par la miséricorde qui a habité son cœur pour les autres. Naam. Et vous connaissez tous le hadith de la femme prostituée qui est passée à côté d'un puits alors qu'elle était assoiffée. Elle est descendue dans ce puits. Elle s'est abreuvée et en sortant, elle a vu un chien qui l'appelle à terre et son humidité. Elle s'est dit, ce chien ressent ce que je ressentais il y a quelques minutes. Alors elle est redescendue dans le puits, elle a mis de l'eau dans Mada, ses chaussons, elle est sortie et a abreuvé ce chien. Allah subhanahu wa ta'ala a eu pitié d'elle et lui a pardonné ses péchés. Est-ce que toute femme prostituée qui abreuve un chien recevra ce pardon et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Non. Mais lorsqu'elle a fait cette action, elle a été poussée par un état du cœur tel qu'Allah Azza wa Jal a eu pitié d'elle. Naam. Donc avec un état du cœur qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux avoir des hauts degrés auprès de lui dans ce bas monde, puis dans l'au-delà. Wallahu al-musta'an. Il y a d'autres points encore qui nous montrent l'importance du cœur, comme le fait que le Ibrahim alayhi salam, comme cela nous est cité dans le Coran, Allah a'lam dans suratu Ash-Shu'ara, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Donc sous la traduction, la parole qu'Ibrahim alayhi salam a dit, comme Allah nous le cite dans le Coran, le jour où ne sera d'aucune utilité ni argent, ni enfant. De quel jour il s'agit? Est-ce qu'il s'agit? Naam. Le jour de la résurrection. Le jour des comptes. Le jour de la grande perte. Exception faite de celui qui viendra avec un cœur salim, un cœur pur. Al-Qalbu Salim, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, c'est le cœur qui a été purifié du polythéisme, du shirk, de bid'ah, des innovations, et du fisq, et des perversions des péchés. Voici le cœur saint. Naam, c'est le meilleur des cœurs. Parmi ceux qui nous montrent cela, il y a également, on a oublié de désigner, naam, le grand volontaire qui va résumer tout cela. Ou bien le grand volontaire contraint. Hein? Qui a une bonne écriture. Une belle écriture, Inch'Allah, en français et ou en arabe. Man. Mohamed désigne quelqu'un comme ça, ils ne seront pas en colère contre moi. Salim encore? Salim, Mohamed t'a désigné pour que tu t'entraides avec nous dans cette grande action. Jazakallahu khayran. Et au prochain cours, qu'est-ce qui va nous faire le rappel, qui va nous résumer ce qui a été dit dans le cours. Andaman. Naam. Yes. Prochain cours, tu viens, tu nous résumes ce qu'on a dit. Inch'Allah. Barakallahu fik. Ajoutez à cela, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u rabbah azza wa jal بأن يعطيه قلبا سليما خاشعا زكيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala ce cœur. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un cœur propre. Alors qu'il était celui à qui on a fendu la poitrine dans sa jeunesse. On a sorti son cœur et on l'a lavé. Na'am. Alam nashrah laka sadrak. C'est celui qui avait le cœur le plus pur. Na'am. Et pourtant, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala ar-rushd wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah subhanahu wa ta'ala le raffermissement sur cet ordre, la détermination sur la droiture. Et il lui demandait de faire de lui un serviteur reconnaissant devant ses bienfaits et qu'il adore convenablement. Puis il dit, et je te demande un cœur saint et une langue véridique. Un cœur saint et une langue véridique. Jusqu'à la fin du hadith. وَاسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعَلَمُ وَعَذُبُكَ مِنْ شَرِّ ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. حديث شداد بن اوس. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait un cœur saint. Il demandait un cœur saint. C'est donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela nous appelle à étudier ce livre. Risalatun في ذم قسوة القلب وأسبابها وما تزول به للعلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. Et chacun d'entre nous, actuellement ou dans le passé ou de temps à autre, on ressent une certaine amertume ou bien la dureté du cœur. Naam, qui se fait ressentir par un mal-être, une baisse de foi, une difficulté à être affecté par le rappel à travers le Coran, à travers la Sunna, à travers les exhortations. Particulièrement à cette époque où les troubles et les causes, les tentations sont multiples et répandues et faciles d'accès, notamment avec les nombreux moyens de communication qui ont été développés comme Internet, Naam, et d'autres. Donc à travers ce livre, et Ani, je tente de me corriger moi-même et celui qui veut qu'on s'entraide dans cette action. Et Ani, il vient en cours et on essaye de se soigner, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et l'assistance. Et beaucoup peuvent se demander, mais que signifie qaswatul qalb? Que veut dire la dureté du cœur? Le cœur, c'est pas une chose qui est dure. Naam, le cœur, ça n'est pas une chose qui est dure. Au contraire, donc pourquoi est-ce qu'on entend et pourquoi est-ce que tu dis et pourquoi est-ce que les savants disent Mada, la dureté du cœur. Que signifie donc la dureté du cœur? Al-Qaswa, c'est Salaba wal-Yabas. Al-Qaswa, dans la langue arabe, c'est la dureté. C'est une chose qui est dure, une chose qui est sèche. Et on parle de Qaswa, par exemple, pour les pierres. Donc, tout l'opposé du cœur. Tout l'opposé du cœur. Pourtant, on verra à travers les cours, Inch'Allah Ta'ala, que le cœur peut atteindre un niveau de dureté qui est semblable à la pierre et qui peut dépasser même le niveau de la dureté des pierres. Et al-dham, c'est takbih, le blâme, la critique. Donc la critique faite à la dureté du cœur. Naam. Quant à son explication dans la religion, l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, le savant l'imam al-Shawkani nous dit « Qaswatul qalb ibaratun an khulouwiha » ou « Qaswatul qulub ibaratun an khulouwiha » من الإنابة والإذعان آية الله مع وجودي ما يقتضي خلاف هذه القسوة. La dureté du cœur se présente comme son absence de retour vers Allah. C'est lorsque le cœur se vide et trouve une absence quant au fait de revenir vers Allah. C'est un cœur qui ne revient pas vers Allah, qui trouve du mal à se conformer aux ordres d'Allah, à tirer profit de ses signes. Alors que les causes de la douceur du cœur sont présentes. Donc c'est un cœur qui, lorsqu'il entend le rappel, ne tire pas profit du rappel, ne s'adoucit pas, ne réagit pas au rappel. C'est un cœur qui ne fuit pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne délaisse pas la désobéissance pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le cœur dur. Voici le cœur dur. Alors qu'il y a pourtant les causes qui le poussent à être doux et à réagir, comme l'écoute du Coran, na'am, comme le fait de voir des choses qui développent la pitié, na'am, comme une personne dans le besoin ou bien un orphelin, na'am. Pourtant son cœur ne réagit pas. Voici ce que signifie la dureté du cœur. Voici ce que signifie la dureté du cœur. Quant aux maladies du cœur, elles sont multiples. Les maladies du cœur, elles sont multiples. Et parmi les maladies, il y a la dureté du cœur. Mais la dureté du cœur n'est pas la seule maladie. Il y a beaucoup de maladies. Na'am, comme la jalousie, comme l'orgueil. Na'am. Et ici, l'auteur a cité un point qui est la dureté du cœur. Quant aux maladies du cœur, de manière générale, elles se divisent en deux. Il y a maradu shuhad et maradu shahawat. Il y a deux grandes maladies. De ces deux maladies découle le reste. La première maladie du cœur, c'est la maladie qu'on appelle les ambiguïtés. Hada fasad al-ilm. C'est quand la personne a une conception erronée des choses. Une conception erronée des choses. Et quel meilleur exemple, ou pire exemple, devrais-je dire, que je pourrais citer au jour d'aujourd'hui, que les égarés de Daesh. Eux, ils ont quelle maladie? Maradu shubuhat. Maradu shubuhat. L'ambiguïté des ambiguïtés. C'est-à-dire la perception qu'ils ont du bien et du mal, elle est erronée. Car leur science n'est pas bonne. Leur compréhension des textes n'est pas bonne. Non. Quand tu arrives à un niveau où tu penses que de prendre une personne et de l'égorger, ça te fait rentrer au paradis, où tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, quelle part de bonne compréhension tu as de l'islam? L'islam se désavoue totalement de toi. Non. Et en temps de guerre, je dis bien en temps de guerre, à l'époque de Abu Bakr et de Omar, on a vu une personne qui a, yani, à qui il manquait la tête en temps de guerre. Les ulama parmi les compagnons ont dit, qu'est-ce que cela? Il nous a été ordonné de maintenir les têtes sur leur corps comme Allah les a créées. Ça c'est pendant la guerre. Ça c'est pendant la guerre. Alors que les ennemis faisaient cela. Alors que les ennemis faisaient cela. Pour développer la crainte dans le cœur des musulmans. Malgré cela, si on nous opprime, nous n'opprime pas les gens. Si on nous opprime, nous, nous n'opprimons pas les gens. Nous devons observer la justice. Ça, c'est le minimum qui t'est demandé. Al-adl. Anta amil an-nas bil-adl. Naam. Ahlul bid'ah, les gens de l'innovation, ont marad ush-shubuhat. La maladie dans la maladie du cœur qui s'appelle les ambiguïtés. C'est la pire des maladies du cœur. Il y a ensuite maradu shahawat, la maladie qu'on appelle les passions. Le vol, la fornication, l'amour d'être élevé au-dessus des autres. Naam. Le pouvoir, le commandement, l'envie, et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jal nous cite ces maladies dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad, fazadahum Allah marad. Allah nous dit, selon la traduction au début de Surah Al-Baqarah, il y a dans leur cœur une maladie. Allah a donc fait accroître celle-ci, cette maladie. De quelle maladie est-ce qu'il s'agit? De qui est-ce qu'on parle ici déjà? Au début de Surah Al-Baqarah. Là. Al-Munafiqoun, on parle des hypocrites dans ce verset. Quelle est la maladie? Maradu shakki wal raib. Comme a dit Ibn Sa'di et d'autres. C'est la maladie du doute. Ils ont un doute. Est-ce que ça c'est la vérité ou est-ce que la vérité est là? Naam, ils ont la maladie du doute. Ils ont la maladie du doute. Ça c'est maradu ash-shubuhat. Dans Surah Al-Ahzab, on nous parle d'une autre maladie. فيطمع الذي في قلبه مرض. الله سبحانه وتعالى دانا نغضر aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le début du verset? ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الله سبحانه وتعالى ordonne aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas parler d'une manière qui ferait pencher l'homme, naam, d'une manière déplacée, afin que celui qui a une maladie au cœur n'espère pas quelque chose d'elle. De quelle maladie est-ce qu'il s'agit ici? Maradu shahawat, naam, maradu ash-shahawat. Donc la femme qui parle à l'homme en cas de nécessité, elle parle d'une voix qu'on pourrait qualifier de normale. Elle ne doit pas embellir sa voix afin de troubler l'homme. Naam. Voici les deux types de maladies. Et la maladie du et la amada, la dureté du cœur, Allah Azza wa Jal en a fait une punition. Subhanallah. C'est une chose tellement grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une punition. Comment savoir maintenant si ton cœur est malade? Le cœur, il a une mission. Il a un travail, il a un rôle. S'il ne répond pas à sa mission, s'il a du mal à faire cette mission, c'est qu'il est malade. Naam. Et si tu as une faiblesse dans ton dîn et que tu ne trouves pas que ton cœur est malade, ben ça en soi, c'est une maladie. Ta maladie à toi, c'est que tu ne sais pas que tu es malade. Naam. Celui qui ne sait pas qu'il est malade, ben ça, c'est sa maladie. Il n'a plus à chercher, ça c'est sa maladie. De par son ignorance des effets, il pense qu'il n'est pas malade. Ou bien, il est semblable au mort qui reçoit des coups de couteau. Tu penses qu'il n'a pas mal parce qu'il est mort. Naam. Et que pourrait faire une blessure à la personne qui est morte? Naam. Que pourrait faire une blessure à la personne qui est morte? Même si des textes nous montrent, c'est un poème connu, même si des textes nous montrent que le mort, il ressent certaines choses. Et pour finir, certaines paroles de nos pieux prédécesseurs, pour finir cette introduction, certaines paroles de nos pieux prédécesseurs qui nous montrent et yani, comment est-ce qu'ils accordaient de l'importance au cœur. Je trouve plusieurs paroles de compagnons comme M. Oud et d'autres qui disaient « Cherchez vos cœurs dans tel et tel état ». Et si vous ne trouvez pas votre cœur dans ces états-là, demandez à Allah un autre cœur, car votre cœur est mort. Lors de l'écoute du Coran, par exemple, lorsque tu te retrouves seul, lorsque tu évoques Allah, yani comment est-ce que tu te sens? Comment est ton cœur? Naam, on trouve plusieurs paroles de compagnons bien de pieux prédécesseurs disant cela. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, nous dit « Cherche la douceur de ton cœur dans trois choses. » Lors de la prière, lors de la lecture du Coran et lors de l'évocation d'Allah. Si tu ne trouves pas la douceur de ton cœur dans ces états-là, naam, sache que la porte t'a été fermée. Tu pries, tu ne trouves pas le délice et la douceur de la foi. Tu évoques Allah, tu ne trouves pas cela. Ou tu lis le Coran, tu ne trouves pas cela. Sache que cette porte du bien t'a été fermée. Naam, tout cela pour attirer notre attention sur la gravité de la dureté du cœur et le fait de faire les causes pour avoir un cœur ماذا, un cœur doux et un cœur sain. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا قلوبا سالمة زكية وأن يطهر قلوبنا من أمراضها. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا يا رب العالمين. والله أعلم, وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والحمد لله رب العالمين. C'était une introduction et demain, inshallah ta'ala, après la prière du Asr, on commencera le premier cours.